Le plan de cette semaine à Assemblage requis. Émilie Gauthier nous fait marcher dans sa chronique plein air, veux-tu sortir avec moi? Et on chausse le reste de l'émission de vos chroniques préférées, comme c'est un fait, CNX et Vidon là dans la question. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission estivale en pièces détachées. Mon nom est Mathieu Plante et Stéphanie Gagné est en congé cette semaine. Aujourd'hui, les oiseaux sont là pour vous chanter des chansons tout le long de l'émission. Donc, non, pas vraiment les petits oiseaux, on les met dans le coin pendant le restant de l'émission. Ils sont là juste au début. Après ça, ils font leur petit gêné. Hein? Dans l'émission d'aujourd'hui, Stéphanie n'est pas là, donc il va pas y avoir de chronique ton plat favori en tant que tel. Pas comme Stéphanie le fait d'habitude, mais je vais quand même vous en mentionner un des miens. On va voir une chronique, c'est un fait, donc avec des choses à vous mentionner. J'ai dit deux fois le mot mentionner, je pense que oui. Bref, vous allez pouvoir les dire à vos amis pendant cet été, vos faits inutiles. Elle va aussi avoir la chronique « Veux-tu sortir avec moi » d'Émilie Gauthier. Cette semaine, elle nous parle de chaussures et de sandales. On va avoir une chronique de Vidon là dans la question. Évidemment, il y a un bloc « Les palmarès, c'est fou » avec les nouvelles entrées de cette semaine. Il y a la chronique CNX avec un paquet de liens tous plus intéressants les uns que les autres. Et puis, la chronique, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Voilà pour le gros, gros, gros plan de l'émission de cette semaine à Assemblage requis. On va commencer l'émission avec la formation des Almost. Voici un morceau. Un morceau qu'on appelle Hands. 89.1 FM, c'est fou. Big mistake. Assemblage requis avec Mathieu Plante à C'est fou 89.1. Territory de Two Hours Traffic à Assemblage requis, l'émission estivale en pièces détachées. Avant, on a entendu You Can't Blonde avec Rather Be With You et on a débuté avec la pièce Hands de la formation The Almost. Leur album s'appelle Monster Monster. Alors, on est ensemble pour 3 heures tous les jeudis entre 15h et 18h. On rappelle les samedis entre 16h et 19h. À la semaine prochaine, soyez à l'écoute pour le guide de l'utilisateur d'Assemblage requis volume 2. On vous présente les chroniques Ton plat favori de Stéphanie Gagné. C'est la semaine prochaine, jeudi 15h, samedi à 16h. Alors, prochain bloc, The New Pornographers avec Your Hands Together, mais commençons avec Le Couleur. Voici L'Amour le jour. Ah, c'est fou! 89 FM! together for the cause and cure. We're waiting to get through and past the center of the earth gone straight. May the scientist and vandal talking either way. Put your hands together for the silver bullet. Make me the voice of the idol maker. Rising definite and shaking. Take your gift for accident, for granted and skin tight. Pull the strings that lift this thing you push with all your might. Who pays use to stage? You save the best for later. Who pays and yet they made you? Perfect waiting. You can only cover so much territory, of course. Melting carols at the sun about the things you've lost. Put your hands together for the cause and cure is calling. Put your hands together for the silver bullet falling. The New Pornographers avec la pièce Your Hands Together à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Je vous rappelle que vous pouvez écouter C'est fou en direct sur Internet au www.cif.ca et que les notes de l'émission sont sur assemblagerequis.com. Notes pourquoi? Parce qu'il va y avoir des chroniques plus tard dans cette émission-là. Oui, il y en a du contenu dans cette émission-là à un moment donné. On va voir Émilie Gauthier qui va venir nous parler de plein air, comme toujours. Cette semaine, elle nous parle de chaussures et de sandales. Mm-hmm. On va voir quatre nouvelles entrées dans le bloc des palmarès C'est fou. On va entendre Tricot Machine, Carquois, Le Couleur et Winter Sleep tout à l'heure, donc restez avec nous pour ça. On a tout simplement plus de Cénix et de la question. Et de C'est un fait, un paquet de choses plus tard. Mais pour l'instant, on va entendre Charles de Gaulle, voici Choque-moi. Au 89 FM, c'est fou! Je ne sais pas, car j'aime ça, j'ai besoin de ça. écoutez Assemblage Requis. Scabbledy Bop. Hein? C'était Devil's Not Rod avec la pièce Bopping Cat. C'est de... Oh, pardon, ben, c'est vrai. Complètement oublié ça. Avant, c'était Lake of Stew avec Mean Chicken Mama. Pourquoi est-ce que vous entendez cette musique-là par-dessus que je parlais de façon tellement professionnelle? C'est parce que c'est le moment du bloc palmarès. C'est fou. Et oui, il n'y a pas plus professionnel que ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau comme transition. Bienvenue dans le bloc des palmarès. C'est fou où à chaque semaine, à l'intérieur d'Assemblage Requis, on vous présente les nouvelles entrées des palmarès de C'est fou. Et cette semaine, ben, c'est les palmarès de la semaine du 19 au 25 juillet 2010. Et on a quatre nouvelles entrées, c'est-à-dire du côté franco, Tricot Machine, Carquois et Le Couleur, alors que du côté anglophone, on retrouve Winter Sleep. On va commencer par les 20e positions. Donc, tout à l'heure, Winter Sleep avec Trace Decay de leur album New Interiors. Mais on débute avec la 20e franco. Voici Le Couleur et Origami, la pièce titre de leur plus récent album. Le Couleur qu'on a écouté tantôt, à peine, il y a quelques minutes, là, avec L'Amour le jour. Donc, gâtez-vous avec une deuxième portion de Couleur. C'est au 89 FM, c'est fou. the doctor should have never prescribed. Scattered letters to the boyfriends you have never identified with. Surreptitious spilling kisses you could never. Une nouvelle entrée de la formation Winter Sleep en position numéro 20 anglophone, c'est Trace Decay. Avant ça, on a entendu Le Couleur avec Origami, c'est la pièce titre de leur album Origami, évidemment, en 20e francophone. Vous êtes dans le bloc des palmarès, c'est fou à l'intérieur de l'assemblage requis. Il nous reste deux nouvelles entrées à entendre pour cette semaine. Il va y avoir en 18e tantôt Tricot Machine avec Radar, mais on commence en 19e. Voici Carquois et L'Acouphène. Ah, c'est fou. Dans vos oreilles. Sans tambour ni trompette, j'emporte l'inutile et quelques allumettes. Je pars sur un coup de chance, je parie sur le bleu.

sais, pis on sait pas. Qu'est-ce que tu veux ici? Tu bois toute ma pâle gueule, mais on sait pas de qui. Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête de parler de vie, dis-moi de qui. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu bois toute ma pâle gueule, mais on sait pas de qui. Yeah. 5 à 7 de Pace Play. Ouais. Alors ça c'était Wood Hands avec Pocket. Hot Pocket. Ouais. Et nous, ben, c'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. On se retrouve tout à l'heure avec, la chronique CNX, hein, avec des choses geek. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans l'émission d'aujourd'hui? Il y a Émilie Gauthier qui va être présente avec sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Elle nous parle de chaussures et de sandales cette semaine. Il va aussi y avoir une chronique C'est un fait avec des choses inutiles à savoir. Complètement inutiles, mais don, intéressant. Oh oui. C'est la deuxième heure d'Assemblage Requis et ça s'en vient après la pause. C'est là. Deuxième heure d'Assemblage Requis, votre émission estivale en pièces détachées. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et Stéphanie Gagné toujours en congé aujourd'hui. Plein de choses s'en viennent tout à l'heure. Le contenu, à un moment donné, va arriver. On attend par paquet. Et vous savez, des fois, la poste, comment ça peut être lent, hein? Mm-hmm. Donc, on va gagner avec un petit bloc de bonnes, grosses, longues pièces. Hein? Que le qualificatif. Tout à l'heure, il va y avoir un History Hub avec Munition Chips, mais on débute avec un classique maintenant, je pense, qu'il faut le dire. C'est le même. C'est Hot Chip avec Alley Cat tout de suite au 89.1 FM. C'est fou. Dans vos oreilles. Comme des petits chats. Ah, des petits chats. Ah, c'est cute. Two people are alley cats. We have an unhappy cat. He is restless, needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig Jones? The Jones. Heads like cats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps when we lie alone. Wear each other's heads like cats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps and we die alone. Thank you. needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig worms? The worms. History of avec Munition Ships. C'est précédé de Alley Cats par Hot Chip. Hein? Bon bloc, ça, hein? Hein? Dites-le, vous pouvez le dire. Dites-le à voix haute, là. Personne autour de vous autres. Hein? Vous êtes Assemblage Requis, c'est l'émission estivale en pièces détachées. Puis le temps file, et j'ai donc envie d'écouter tellement de la musique aujourd'hui. C'est vraiment, on dirait que j'ai comme, tu sais, quand je suis seul de même, hein? Sans Stéphanie Gagné, que je salue d'ailleurs. J'aime ça écouter de la musique, de la bonne. C'est pas n'importe quoi, là. Pas de la. Tu sais, que t'entendrais dans des. En tout cas, des bars. Hein? On va l'entendre Fall of Concords avec Fou le Fafa. Et puis plus tard, soyez là parce qu'on va parler de faits divers dans la chronique C'est un fait. Vous êtes à Assemblage Requis au 89 FM. C'est fou. De Fafa. C'est fou. C'est fou de Fafa. Je suis enchanté. Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Ah, ah, ah, ah. Baguette. Ah, ah, ah, ah, ah. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa-fa-fa. Fou de fa-fa. Aïe. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa-fa-fa. Et maintenant le voyage à la supermarché. Pomme la mousse. Ananas. Jus d'orange. Bœuf. Soupe de jour. Camembert. Jacques Cousteau. Baguette. Oh. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour mon petit Pierrot de chien. Ça va? Ça va, ça va? Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique danse? À la discothèque. Et les discothèques? C'est bébé. Un, deux, trois, quatre. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa-fa-fa. Fou de fa-fa. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa-fa-fa. Fou de fa-fa. Aïe. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa-fa-fa. We'll be right back. Écoutez Assemblage requis sur C'est fou. Down. C'est la pièce Empire Ants de l'album Plastic Beach à Assemblage Rocky, votre émission estivale en pièces détachées. Et maintenant, enfin du contenu, ça a pris la moitié de l'émission pour se rendre jusqu'au contenu, mais on y est arrivé. Et un petit peu plus tôt cet été, j'ai parlé avec Émilie Gauthier et on a fait une belle chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Toute nouvelle chronique, ça. Et elle nous parle de chaussures et de sandales cette semaine, hein? Oui, la chronique veut-tu sortir avec moi, la chronique plein air, celle qui vous fait sortir et voir de nuages et des gazons. Et est-ce que tu vas me demander, il faudrait que tu nous parles de comment faire, tu sais, siffler avec le bout de gazon. Ce serait fun. Aujourd'hui, tu nous parles de chaussures et de sandales. Donc, tu nous parles de pieds, pas de pouces, pas de mètres. Je voyais vraiment pas aussi que tu voulais venir avec ça. J'étais comme, voyons. Donc, oui, chaussures, sandales... À ce temps-ci de l'année, on ne sait pas trop comment se chausser. Il fait chaud, il fait froid, on ne veut pas avoir chaud aux pieds, on ne veut pas transpirer. Mais c'est des pieds, ça transpire, c'est normal. Mais on va essayer quand même de trouver une chaussure à son pied. Donc, commencez par vous parler les matériaux qui sont utilisés dans tout type de chaussures et sandales. Premièrement, il y a le cuir, qui est le matériel le plus couramment utilisé dans la fabrication de chaussures. C'est souple, résistant, respirant, résistant à l'eau et imperméabilisable. Fait tout. Quand on le sable, il peut devenir un suède, ce qui le rend plus flexible et plus respirant, mais un peu moins robuste. Le cuir entre souvent dans la composition de la doublure. Il va être plus confortable, va se mouler plus rapidement à la forme du pied pour plus de confort, mais ça va alourdir un peu la chaussure. Et ce qui est le fun du cuir, c'est que non seulement t'achètes quelque chose pour mettre sur ton pied, mais en plus, c'est quasiment un animal de compagnie, ça, parce qu'il est fait en cuir. Ah, je sais, mais là, à un moment donné, il faut bien dire ces vraies affaires, là. Pauvres petits animaux maltraités. Mais il y a aussi du cuir synthétique, hein? Oui, il y a du cuir synthétique qui est plus sensible à l'abrasion, respire un peu moins bien, tend à se fendiller un peu plus quand il est trop exposé au soleil, oui, mais ça tue pas d'animaux. Fait que tu vois, ceux-là, c'est encore mieux parce que t'as un soulier, puis en plus, c'est comme si t'avais un Tamagotchi, tu sais. Parce que c'est pas un vrai animal, c'est un animal de compagnie. Suffit, là, on parle de plein air, pas de nerd, là. On n'est pas en émission geek aujourd'hui, là. Non. Ton cuir synthétique, là, Tamagotchi, là, il ressemble, par exemple, beaucoup à du vrai cuir. Fait que moi, je pense plus qu'on dirait comme un chien robot. Puis c'est presque imperméable. Pour le reste, il partage à peu près les mêmes propriétés que le cuir véritable, puis pour beaucoup moins cher. Il y a plusieurs tissus synthétiques qui entrent dans la composition des chaussures, des bottes. C'est plus léger, moins cher, ça respire mieux. En général, c'est du polyester ou du nylon. Il y a une récente génération de chaussures qui comprend des plus grandes parties en filet, si on veut, qui va permettre aux pieds de mieux respirer. C'est ça, ça ventile un peu mieux la chaussure. Complètement à l'opposé, il y a le caoutchouc qui est utilisé dans la chaussure. C'est imperméable, ça laisse aucunement évacuer l'humidité et la chaleur du pied. C'est pourquoi on l'utilise surtout dans la fabrication de la semelle puis à des endroits stratégiques de la chaussure, comme sur le bout du pied, pour c'est là que ça s'use le plus vite. Tout type de chaussures confondues, quand elles sont bien entretenues, une bonne chaussure a une bonne durée de vie. On peut aussi lire les recommandations du fabricant sur les produits protecteurs à appliquer pour la rendre plus solide. Si les chaussures ont été particulièrement salies lors d'une utilisation intensive, comme si on a mis notre pied dans une boîte, on doit les rincer, les frotter. C'est une brosse pour se nettoyer les ongles, là, quand tu as joué dans le jardin. Là, on essaye de les laisser sécher à l'air libre, idéalement à l'ombre, parce qu'encore là, le soleil peut faire détériorer les propriétés, comme il y a quelques semaines pour les imperméables. Voilà. On essaye de retirer les fausses semelles après chaque... quand on fait une bonne randonnée, semelles intérieures, on essaye de les enlever pour les faire sécher et limiter que ça fasse des bonnes odeurs. À l'occasion, on essaye de laver ces semelles-là aussi. Idéalement, pour maintenir une qualité plus longtemps possible, les chaussures en cuir doivent recevoir un traitement de protection ou d'imperméabilisation avant d'être utilisées. Il faut donc procéder au traitement avant d'exposer les chaussures aux intempéries. Certains types de coutures sont mieux d'être scellées avec des produits spéciaux pour être encore plus imperméables. Afin d'éviter aussi d'avoir des ampoules pendant les randonnées, il faut s'assurer que les chaussettes soient bien ajustées. Pas de chaussettes trop grandes, pas trop petites, qui soient fabriquées avec des matériaux à séchage rapide, comme des fibres synthétiques ou de la laine de mérino. Des bas de coton, là, du coton, ça l'absorbe l'humidité. Fait que si vous trouvez que vous avez les pieds tout le temps qui trempent, pour garder la composition de l'huile, c'est bien beau des bas blancs, là. Donc, je sais pas qu'est-ce que je dis du tout. Ça se vend pas cher, c'est pratique, mais c'est en coton, donc c'est normal d'avoir les pieds qui trempent avec des bas blancs. Donc, on va essayer de chercher du polyester ou de la laine de mérino qui est vraiment top gamme. Et on peut aussi enfiler une sous-chaussette. Merci. Très mince en fibres synthétiques sous la chaussure régulière. Fait que le frottement se fera pas entre la peau et le bas. Ça va se faire comme entre les deux paires de bas. Donc, moins de risque d'ampoule. On peut aussi saupoudrer les pieds d'un talc avant de mettre nos chaussettes, puis pour ça va aider à garder nos pieds au sec aussi. Si on fait du camping, par exemple, les chaussures sont sales après une grosse journée, on essaye de les laver à l'eau si c'est possible, puis de les faire sécher pour que, puis encore une fois, pas au soleil. Donc, si on va, on regarde pour la sandale de sport, pas beaucoup de sandales, hein, à part de la gougoune, là, c'est le fun de la gougoune, mais si on a envie un peu de bouger sans s'enfarger, sans non plus porter des chaussures, parce que là, c'est l'été, on n'a pas tout le temps le goût. Et des sandales de sport qui sont conçues dans le même esprit qu'une chaussure plein air sont faites pour une utilisation plus active que des gougounes. Hein? Souvent fabriquées en cuir. Les sandales de sport sont aussi faites à partir de matériaux synthétiques qui ont des anti-odeurs et anti-fongiques. Dans le fond, pour justement, parce qu'on a tendance à avoir plus chaud. Il y a plusieurs sangles ajustables en velcro souvent. Ça permet un maintien plus efficace du pied en terrain accidenté. Pour avoir une bonne sandale de marche, c'est important d'avoir trois gants de base. La sandale de base, là, il faut en avoir une au niveau des orteils pour que le pied tienne au bout. Une devant la cheville pour maintenir le pied en place, qui avance pas, qui recule pas dans la chaussure. Puis une au niveau du talon pour pas que ça sorte. Gougoune, c'est pas mauvais, mais je me vois pas partir marcher pendant 10 heures en gougoune. C'est pour ça que la sandale, les trois sangles, ça va être ce qui va permettre au pied d'être bien ajusté et de bien tenir. La sangle en arrière aussi va assurer un bon support au talon, minimiser la formation d'ampoule. Sur certains modèles, la sangle en arrière est amovible, donc on voyage, on marche avec notre petite sandale, on arrive en ville, on va être plus décontracté, on enlève la sangle en arrière, fait un style un peu plus sandale de tous les jours. Et toujours, on doit rappeler, en ville ou ailleurs, pas de bol dans vos sandales. Hein? Bon point. Hein? Tu l'avais-tu dit, ça? Tu l'as pas dit, hein? Je le savais, parce que c'est l'affaire la plus importante. Tu commences ta chronique avec ça. Pas de bas dans tes sandales. On peut peut-être passer cette chronique-là partout dans le monde pour que le monde le sache. Même quand tu vas en essayer au magasin, pas de bas dans les sandales. La semelle va être plus souple qu'une chaussure. C'est une rigidité pour pouvoir l'utiliser dans un contexte de tous les jours, mais c'est quand même assez rigide pour pouvoir l'utiliser dans un contexte plus actif. Si on va marcher, on veut pas non plus que le roche nous transperce le pied. Idéalement, puis dans le but de maintenir la qualité le plus longtemps possible, les sandales en cuir doivent recevoir un traitement de protection parce que c'est du cuir, c'est un matériel naturel. Faut faire attention. Entretien, on essaye de les entretenir avec des produits appropriés pour prolonger durée de vie. Il y en a qui peuvent durer 10 ans et être encore des bonnes sandales. C'est juste qu'il faut prendre soin de nos pieds et de ce qui les protège. Il va être encore bonne, c'est juste les couleurs que peut-être que là, ce sera pas super winner, mais au pire, mettez des bottes dedans, ça va passer, tu sais. Ouais. Ou pas. Même s'il y a des matériaux anti-odeurs dans les sandales, ça peut quand même dégager des odeurs. Pour essayer d'éviter ça, on peut essayer de nettoyer régulièrement où est-ce que notre pied est déposé avec une petite brosse, frotter la semelle intérieure avec un peu d'eau ou savonneuse dans le cas désespéré. Si c'est fabriqué en cuir ou en suède, on essaie d'utiliser une brosse un peu plus douce. Si la saleté est plus logée plus profondément dans la semelle, on peut essayer de la laisser tremper dans l'eau savonneuse avant de commencer à frotter et s'acharner dessus. L'idéal, c'est donc de nettoyer une fois de temps en temps. Une fois par semaine, c'est pas tout le monde qui va le faire. Mettons une fois ou deux semaines pour que tout le monde le fasse. Avec un petit linge humide. Tu sais, quand on fait la vaisselle, là, un moment donné, ton linge à vaisselle, il est comme dû pour un petit tour au lavage. Bien, avant ça, là, fais juste passer un coup dans le fond de ta sandale. Ça va leur faire du bien. Pour éliminer... Hey, j'ai vraiment de la misère. Éliminer les odeurs. On peut frotter l'intérieur de la sandale avec du bicarbonate de soude, des produits spécialisés, puis de le rincer, laisser sécher dans un endroit ombragé. Oui. Parce que dans le fond, là, une sandale, là, c'est un peu comme un morceau de vêtement. Si on le porte directement sur la peau, on finit par avoir chaud, ça absorbe un peu d'humidité. Est-ce que tu portes le même t-shirt pendant deux semaines de temps sans le laver? Exception près, non. Donc, quand on porte une chaussure, c'est le bas qui va absorber l'humidité. Donc, vraiment, une sandale, il faut la laver comme un vêtement. Faut en prendre soin. Donc, si on va prendre une petite pause, on va écouter une bonne petite pièce de musique là, savoureuse. Et après ça, ben, tu vas nous parler des sortes d'odeurs que les pieds peuvent générer. Par exemple, t'as le fromage, Non, c'est pas de ça. Non, OK. Non, je vois ici que ça va être de chaussures. Les types de chaussures. Types de chaussures. C'est juste après ça, à Assemblage Requis. Here's a man. His own tragic mirror, capable of such crimes. He is scared to look at himself too long at a time. Here's a man, his own wrapped up worry, thinking he will do wrong. Very shortly, the answer remains locked up in his head. And charity plays a game with your head. It gets to you now, it gets to you now. And charity plays away with your head. It gets to you now, it gets to you now. Somehow you've got to smarten up and act like nothing's ever gonna break you. fact. Such a sensitive soul, such a rebel, incapable of detecting his flaws. Is a man self-righteous, self-pity, nursing losses and pain, and inflicting guilt that should keep them busy for days. And charity plays a game with your head. It gets to you now, it gets to you now. And vanity takes your dog for a walk. It gets to you now, it gets to you now. Somehow you've got to smarten up and act like nothing's ever gonna break you. So mature but so dumb. In broad daylight, the answer remains locked up in his head. It's blowing around somewhere in his head. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, le retour de cette merveilleuse pièce délicieuse. Donc, Émilie Gauthier qui est avec nous pour sa chronique plein air veut-tu sortir avec moi. Et là, on parle de différents types de chaussures à mettre sur ses pieds ou ailleurs, dépendant de où vous mettez vos chaussures. Non, il n'y a pas d'autre place où mettre des chaussures. C'est bon. C'est le genre de trip qu'on parle pas à la radio, ça, Mathieu. Tu gardes ça pour toi. Et je vais être ton ami quand même, mais t'en parles pas à la radio. Oui, il n'y a pas juste des running, comme certaines personnes disent. Il y a plusieurs types de chaussures. On va commencer par la chaussure amphibie. Ça sonne grenouille un peu, je trouve. La chaussure amphibie, ça protège le pied quand on fait des activités nautiques, comme du kayak, du canot. Mais elle peut être utilisée au quotidien aussi, quand la température est beaucoup plus chaude, mais que le monde n'aime pas se mettre en sandales. Côté look, on dirait comme une sandale puis une chaussure de randonnée ensemble. Les orteils sont protégés. Il y a comme un soutien tout le long du pied, mais au lieu d'être des bandes de filet, c'est complètement ouvert. Donc, c'est vraiment une chaussure très ouverte, si on veut. Ça va avoir la même semelle aussi qu'une chaussure. Fait que c'est vraiment toutes les propriétés pratiques, solides de la chaussure, mais ça va respirer autant qu'une sandale. Ça, c'était la chaussure amphibie. Il y en a aussi que c'est au lieu d'une chaussure. Ça, c'est vraiment comme la sandale chaussure. Il y a aussi la chaussure qui, au lieu d'avoir comme des bandes de cuir, ça va être du filet tout le long. Fait que c'est comme si c'était ouverte, mais sans permettre d'avoir un contact direct avec l'air extérieur. Il y a la chaussure de course de sentier. C'est un hybride entre la chaussure de course et la chaussure de plein air. Elle permet de s'entraîner sur des sentiers de terre battue, dans les bois, mais dans l'asphalte aussi. Puis en ayant un support de chaussure de course. C'est essentiel de choisir une chaussure qui est légère, stable. Légère, doivent comporter beaucoup de nylon, même type que la chaussure amphibie, là, beaucoup de nylon pour permettre aux pieds de respirer, mais si on pile dans l'eau en courant, quoi que ce soit, ça permet à l'eau de s'écouler. Pour maximiser aussi la stabilité, ils vont avoir des renforts au talon. La semelle est quand même aussi solide qu'une chaussure de course traditionnelle et couverte de crampons, par exemple, comme la chaussure de plein air, pour améliorer la traction. Dotée d'une sorte de suspension aussi, comme la chaussure, la running de course. Ensuite, il y a la chaussure de marche qu'on va aller chercher souvent pour une utilisation quotidienne, genre une chaussure de tous les jours ou une chaussure qu'on part en voyage. C'est une chaussure moins technique que la chaussure de randonnée. La chaussure est fabriquée souvent en cuir pour sa robustesse, sa durabilité, mais elle n'a pas un enduit imperméable nécessairement. La semelle extérieure est souvent coussinée pour offrir un confort maximum. La semelle intérieure est moins rigide, moins agressive, avec des crampons plus doux. La semelle intercalaire, ça là, c'est entre où est-ce que ton pied y est et le sol. C'est comme une semelle molle là, dans le milieu. Là. Elle est faite de matériaux quand même absorbants pour que l'impact de chaque pas sur le sol soit doux et constant, parce que dans le fond, on marche souvent sur l'asphalte avec ces chaussures-là ou ce ciment ou des sols plus durs. Donc, des chaussures qui sont molles, mais c'est pas une running non plus. Une running. C'est très drôle. La chaussure de plein air, ça va s'adresser à ceux qui veulent se balader pour des courtes randonnées. C'est d'une demi-journée à deux jours environ. Dans un environnement peu hostile, peu accidenté, avec une charge moyenne sur les épaules. Donc, si on part avec un sac, référence au sac à dos, un 80 livres, disons, c'est beaucoup trop lourd pour. C'est très gros pour deux jours. Je ne sais pas ce que vous apportez là-dedans d'ailleurs. La chaussure doit avoir un minimum de rigidité pour assurer une bonne stabilité aux pieds, éviter les entorses. Elle doit avoir une bonne souplesse, surtout si on ne prévoit pas aller en haute montagne. Puis la semelle extérieure, la semelle d'usure, doit comprendre plusieurs crampons plus mordants que la chaussure de marche pour s'assurer d'avoir une bonne traction. Et finalement, la chaussure plus de randonnée top gamme s'adresse à quelqu'un qui part plus d'une journée en forêt ou en montagne avec un sac à dos plus chargé. Donc, on apporte notre brûleur, notre sleeping, notre tente. Dans un environnement plus varié, plus accidenté, on va opter plus pour une botte plus ou moins haute, pas nécessairement. D'habitude, c'est au niveau de l'os de la cheville, là, mais ça peut monter plus haut que ça. Ça va protéger le haut du pied, donner une plus grande stabilité, puis protéger la cheville pour ne pas se faire d'entorse. Bon point. La plupart du temps, et encore une fois, le cuir est privilégié pour la robustesse à l'extérieur et son confort à l'intérieur. Plusieurs bottes de randonnée, par contre, vont avoir un traitement imperméable ou une membrane comme le Gore-Tex qui va rendre la chaussure complètement imperméable. Puis la semelle doit être encore plus rigide que la petite chaussure de randonnée pour assurer une bonne traction, éviter une flexion latérale qui va encore minimiser le risque d'entorse. Et la semelle extérieure doit comprendre beaucoup de crampons mordants pour assurer une bonne traction en montant. C'est pas mal sûr que ça a l'air de chaussures. C'est toujours bien compliqué, je trouve, magasiner pour des souliers, tu sais, il me semble. Il n'y a jamais rien qui marche dans mon cas. Tout le temps d'essayer comme 400, puis à un moment donné, tu tombes sur le bon, tu sais. C'est le même. Et pas facile, tu sais. Faut les essayer, faut aller marcher. Peut-être pas dehors, peut-être qu'ils ne laisseront pas aller dehors. Ils devraient peut-être, mais bon. Au pire, non, mais je sais. Dans le centre d'achat, au pire, mettons. Souvent, moi. Ouais. Ouais. Marche un petit peu, marche, marche, marche. Comme dirait M. Mongeau. Marche, marche, marche. Merci, Émilie Gauthier. On se retrouve une autre fois pour la chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? My motor. Sarah avec la pièce Alligator de l'album Sainthood. Et avant ça, pendant la chronique, Pénard veut-tu sortir avec moi, on a entendu une pièce de Sundry Lurkey. C'était Tragic Mirror. J'adore cette pièce de l'album Phantom Punch. Sundry Lurkey est le nom de l'artiste. S-O-N-D-R-E. Puis L-E-R-C-H-E. Oui, c'est compliqué à appeler. Eh bien, c'est le même. C'est la fin de la deuxième heure d'assemblage requis. Il y en a une troisième qui s'en vient dans quelques minutes à peine. Et dans cette troisième et dernière heure, il va y avoir entre autres la chronique C'est un fait, avec plein de faits vraiment inutiles à savoir, mais qu'on adore savoir. Aussi la chronique technologique CNX, chronique geek, dans laquelle on va retrouver des sites web, des gadgets, des logiciels. Un peu qu'à faire, c'est le POW cette semaine. Donc soyez-y à assemblage requis. Oui, c'est la troisième heure d'assemblage requis, l'émission estivale en pièces détachées. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et Stéphanie Gagné est en congé aujourd'hui, donc on lui souhaite de passer un bon moment, où qu'elle soit, peu importe qu'est-ce qu'elle fait. Hein? Bon. Dans la troisième heure, il va y avoir la chronique CNX et aujourd'hui, c'est le POW dans CNX. Donc, on va parler de plein de choses vraiment intéressantes, dont, je ne sais pas que vous mentionnez quelques sujets, on va parler un petit peu de café. Il va y avoir une souris faite avec une vraie souris. Ah ouais, Et des photos prises avec le capuchon sur l'appareil. C'est dans la chronique CNX tantôt. Il y a aussi la chronique C'est un fait avec des faits inutiles, mais pour l'instant, voici Yes Sayer. Au 89 FM, c'est fou! Abyss Monde Green. Par Yesayer, sur l'album Odd Blood. Assemblage requis, l'émission estivale en pièces détachées maintenant. Ben, tu sais, à un moment donné, des affaires vraies, il y en a. Tu sais, faut en prendre puis en laisser. Quand t'es sur Internet, t'es comme tap, tap, tap, tap, là, tu cherches, là, tu lis ça, puis tu fais comme, ah, ouais, c'est dommage intéressant, là, finalement, t'apprends plus tard que c'est pas vrai. Ou tu l'apprends pas, puis là, tu le dis à plein d'autres mondes, puis là, ça se propage, puis là, à un moment donné, c'est comme une toile de mensonge total. Et on appelle ça, c'est un fait. À un moment, il faut s'assumer. Quand même un peu le résumé de la chronique. Hein. C'est, on trouve des affaires sur Internet selon différentes sources et puis on les dit à la radio, puis peut-être que c'est même pas vrai. Mais bon, ils ont fait leur recherche, est-ce qu'ils disent. Commençons par notre Soleil, qui est tellement gros, notre Soleil, qu'un million de Terres pourraient entrer à l'intérieur, pourraient fitter dans ce gros Soleil-là. De l'autre côté, par contre, la plus grande étoile connue par l'homme, qui s'appelle, pas l'homme, mais le Soleil, l'étoile, VY Canis Majoris, VY Canis Majoris, qui pourrait héberger 9 milliards 261 millions de Soleil. Si je comprends bien, c'est 9261 avec 6 zéros. Si VY Canis Majoris était mis à la place de notre Soleil, ça irait plus loin que Saturne. Donc, si cette étoile-là était à la place de notre Soleil, ça irait super loin en superficie. Bref. VY Canis Majoris pourrait aussi faire entrer 7 fois 10 à la 15 Terres à l'intérieur. Ça veut dire 7 avec 15 zéros après. Là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est gigantesque. En Israël, vous connaissez le film The Hangover qu'on appelle au Québec Lendemain de veille. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça au Québec? Parce que c'est la traduction. Hein? Hangover, c'est un lendemain de veille quand c'est un lendemain de veille après avoir bu. En France, ils appellent ça Very Bad Trip, eux autres. La version française en France de The Hangover s'appelle Very Bad Trip. C'est vrai. Mais en Israël, The Hangover s'appelle Stopping in Vegas on the way to a wedding, si on veut. Donc, un arrêt à Vegas en s'en allant à un mariage. C'est la traduction du film The Hangover là-bas. Ah, quand on cherche un petit peu trop loin, hein, lendemain veille, c'est beau. Ça fit, ça, c'est correct. En tout cas. Tu sais, la petite bande de métal sur un crayon de plomb, tu sais, une petite bande de métal là, hein, entre le crayon et l'efface, ça s'appelle une férule. Aussi bien en anglais qu'en français, j'ai vérifié. Férule en français, c'est bien défini comme étant l'ombellifère qui fournit des gommes ou palettes de bois ou de cuir pour punir les écoliers en les frappant sur la main ou encore baguette bâton, tenir sous sa férule, férule gommeuse, bref, je sais pas. Férule, et il y en a des férules aussi dans les flûtes, les pinceaux, les bâtons de golf, les choses pour jouer au billard, là, les parapluies et les pics à glace. Hein, voilà. Leur fonction, c'est évidemment de joindre deux parties d'un objet ensemble et puis renforcer l'objet d'une certaine façon. Ils sont souvent faits en métal, mais peuvent aussi être en plastique. Donc, ça s'appelle une férule, apparemment. Hein, c'est ce qu'on dit sur l'Internet. Bon. Saviez-vous qu'une espèce de pingouin qui s'appelle les pingouins Galapagos vivent à l'équateur? Ils sont aussi la seule espèce de pingouin qui vivent sur l'hémisphère nord, notre belle planète Terre. C'est vrai. Les fourmis Slave Maker, là, je vais même pas chercher le nom en français, Slave Maker Ant, bref, c'est une espèce de fourmi qui rend d'autres fourmis esclaves. Hein? Le processus est quand même assez complexe, donc la reine des fourmis Slave Maker fait semblant de mourir, donc elle fake sa mort, hein? Et se fait transporter jusqu'à la colonie, et ensuite elle se réveille, et puis elle tue, et puis elle imite la reine de la colonie qu'elle est allée, prendre, si on veut. Donc, la fausse reine va ensuite commencer à créer ses propres enfants qui, éventuellement, vont devenir chef du nid, si on veut, et qui vont faire des esclaves des anciens habitants de ce nid-là. Hein. Les fourmis esclaves, sans le savoir, sans trop le savoir, comme ça, vont nourrir la fausse reine et ses enfants, ne réalisant pas qu'ils sont des imposteurs. Wow! Saviez-vous que le nom original de Bank of America, c'était Bank of Italy? Oui, c'est Amadeo Peter Giannini qui a commencé ou parti Bank of Italy à San Francisco en 1904. La banque était destinée aux immigrants qui travaillaient là-bas et que les grosses banques refusaient de servir. Après avoir fusionné avec d'autres banques, il a changé le nom de sa banque pour Bank of America. Et après avoir acheté Merrill Lynch en 2008, Bank of America est maintenant la plus grande... La plus grande place qui s'occupe de l'argent des gens, si on veut. Voilà. Saviez-vous que vous ne pouvez pas creuser un trou qui va mener à la Chine à partir des États-Unis. T'sais, on dit creuser un trou de l'autre bord de la planète pour aller en Chine. Non. Pour faire un trou vers la Chine directement, il faudrait être à la base au Chili ou en Argentine. Mm-hmm. Et si vous pouviez creuser à travers la Terre, qui est remplie de paquets de choses super chaudes, à 9800 degrés, genre Fahrenheit. Bref, si vous pouviez le faire, ce serait donc du Chili ou de l'Argentine à la Chine. Si vous commencez à creuser à partir des États-Unis, n'importe où aux États-Unis, vous allez finir dans l'océan Indien. Eh ben. Quelque chose d'autre de compliqué ici. En Angleterre, les dates entre le 2 et le 14 septembre 1752 n'existaient pas. Mm-hmm. Après un acte du Parlement en 1750, l'Angleterre et ses colonies ont dû changer de calendrier. L'Angleterre utilisait le calendrier Julian, encore une fois, pour trouver le nom en français, qui était à 11 jours derrière le calendrier grégorien, hein, qui était utilisé dans le reste de l'Europe. Donc, pour réussir à changer de calendrier, ils ont sauté les dates entre le 3 septembre et le 13 septembre. Voilà. Donc, il n'y avait pas de date entre le 2 et le 14. C'est du 3 au 13 qu'ils ont enlevé. Dans le calendrier Julian, le nouvel an était le 25 mars. Donc, le 31 décembre 1750 était suivi par le 1er janvier 1750. Et le 24 mars 1750 a été suivi par le 25 mars 1751. Wow! Eh bien, changer de calendrier, c'est pas facile pour personne. Hein? Pas qu'on a eu à vivre ça encore, mais bon. Peut-être qu'on pourrait, à un moment donné, inventer un calendrier qui n'est pas basé sur la religion. En 2009, saviez-vous que les compagnies d'avions, donc les compagnies aériennes, ont ramassé 2,7 milliards de dollars en frais de bagages et un autre 2,4 milliards qui venait des frais pour changer les réservations dans ces compagnies aériennes-là. Le nom de Cheerios, tu sais, les céréales Cheerios, au début, ça s'appelait les Cherry Oats. Hein? Oats, c'est beau, j'aime ça. Alan Oats, toujours. Les étoiles du Hollywood Walk of Fame, l'allée des célébrités à Hollywood, là, est fait de terrazzo et de laiton. Oui, c'est là que j'ai cherché le terme en français, laiton. C'est brass en anglais, c'est fun. Hein? Mm-hmm, on apprend des choses. Chris Farley, vous connaissez Chris Farley qui était dans Saturday Night Live et dans des films avec, entre autres, un film avec David Spade. Bref, Chris Farley était la voix originale de Shrek. Oui, et presque un an après sa mort, oui, parce qu'il est décédé, hein, c'est Mike Myers qui a pris le rôle. Quelques faits sur les oiseaux pour terminer cette chronique. C'est un fait avec des faits tellement utiles et des mots traduits en français. Une fois de temps en temps, ça arrive. Mm-hmm. Les œufs des oiseaux respirent, c'est vrai. L'œuf moyen, en général, environ 10 000 pores dans sa coquille. Je sais pas si c'est valide pour beaucoup d'oiseaux, mais bon, la plupart des oiseaux. Les plumes de presque tous les oiseaux pèsent plus que leur squelette. Hey, les plumes. Dans 97% des espèces d'oiseaux, le mâle n'a pas de pénis. Non, pas de pénis. Non. Les oiseaux adultes n'ont pas de dents. Comme les poules, pas de dents. Et aucun oiseau a plus de 4 orteils sur chacun de ses pieds. Mm-hmm. Et on dit que plus un oiseau court vite, moins il a d'orteils. Plus t'as d'orteils, plus c'est lent. Ça t'empêche d'avancer vite, apparemment. Je sais pas. Bref, si vous voulez voir les liens qui mènent vers toutes ces explications-là, vers ces articles-là, et puis, je sais pas, les relire si vous avez oublié un fait, parce que c'est tellement important, allez voir assemblagerequis.com, cliquez sur l'émission Assemblage de requis d'aujourd'hui, qui est le 22 juillet 2010. Voilà. Vous êtes Assemblage requis, donc l'émission estivale en pièces détachées. Vous le savez, il nous reste une cinquantaine de minutes ensemble environ. Peut-être il va y avoir une chronique CNX, une chronique geek. Oui. Et même, je dirais, du vidon à la question. Donc, restez avec nous. Pour l'instant, on va entendre Damien Robitaille. Et voici la pièce « Avant que vienne l'avalanche » au 89 FM. C'est fou. Il fait frette sous ma casquette. Mes idées sont des flocons qui tombent. Elles s'accumulent, font boule de neige. Et elles n'arrêtent pas de tourner en rond. Roule, roule, roule, roule. Je fais des bonhommes de neige avec mes pensées. Faut que ça cesse avant que vienne l'avalanche. Avant que vienne l'avalanche. L'hiver est éternel dans mon pays.

Polype et la pièce écrémée. Oh, j'adore ça, Polype, c'est génial. Tropique du cancer est le nom de leur album le plus récent. Procurez-vous ça, là. C'est vraiment pour les blagues. Faites pour confiance, une fois de temps en temps. Polype. Et voilà. Vous êtes à Assemblage Requis, c'est l'émission estivale en pièces détachées. On ne dira jamais assez souvent et je me répéterai pas assez souvent dans une émission de 3 heures. Cif.ca pour écouter sur Internet. AssemblageRequis.com pour les notes et les liens de l'émission. Ah, tu sais, c'est ce qu'on a à retenir. Quoi acheter, quoi visiter comme site Internet. À un moment donné, ça fait le tour. Hein? Bon. Tout à l'heure, il va y avoir une chronique Geek CNX. Le POW. Oui, le POW, c'est le sujet de cette semaine. Donc, on va avoir plein de... C'est comme un pot-pourri. Des gadgets, des trucs cool, des affaires de fun trouvées sur Internet, des sites, n'importe quoi. Tout à l'heure dans la chronique CNX, mais pour l'instant, on écoute un petit peu de Artist of the Year. Si vous écoutez les palmarès, c'est fou. Si vous écoutiez les palmarès, c'est fou. Ou que vous écouterez peut-être, à un moment donné, les palmarès, c'est fou. La trame sonore, c'est Artist of the Year. C'est eux autres. Écoutez ça, c'est la pièce Cake for You, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Ça là aussi, il faut que vous l'ajoutiez à un moment donné. Tout ce que je joue dans l'émission d'aujourd'hui, ça va vous coûter cher, mais bon. Faut ce qu'il faut! Cake for You, the Artist of the Year, assez fou. La rubrique de We Are Wolves à Assemblage Requis. Reste avec nous parce que plus tard dans l'émission, il y a la chronique geek Cénix. Dans les mots de Hiro Nakamura de la série Heroes, c'est comme qu'il dit Yata! Vous écoutez, c'est fou. Vous écoutez Assemblage Requis sur C'est fou. La pièce Make XXXX ou Make Love, hein, parce que l'album, t'sais, l'album lui-même s'appelle Quadruple X ou Love. Toutes les fois que le mot Love apparaît dans l'album, c'est marqué avec des 4X. Genre. C'est comme une censure de l'amour. C'est ironique. Bref, la formation You Say Party. Voilà. Vous êtes à l'Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées. Et maintenant, ben, c'est le moment de parler de choses geeks comme on aime le faire à chaque semaine. Voici la chronique CNX. Je trouve que c'est très bien articulé, je trouve. Oh, oh, quel est le sujet aujourd'hui, là? Hein? Le POW! Et connais-tu les deux frères plombiers? Héros, pas héros dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fils, ils partent dans les tuyaux. Et oui, le POW à l'intérieur de CNX. Qu'est-ce que c'est le POW? C'est littéralement un pot-pourri de sujets. Donc, pas de thème en particulier. C'est pas des gadgets seulement. C'est pas des logiciels seulement. C'est tout et c'est rien en même temps, mais c'est surtout tout. Hein, parce que c'est moi, c'est Mathieu Plante, et quand je fais une chronique, je mets tout dedans. Donc, c'est beaucoup trop long. Commençons tout de suite. Avec un article que j'ai vu sur Instructables.com que je trouvais vraiment bien. Ça s'appelle Mouse Mouse. Et oui, c'est une façon de fabriquer vous-même, étape par étape, votre propre souris faite avec une vraie souris décédée. C'est triste, hein? Je sais. Mais si elle est déjà morte, à un moment donné, peut-être que vous êtes peut-être tordu. Je vous juge pas, t'sais. Donc, vous allez avoir besoin d'une souris matérielle format voyage, donc avec des parties plus petites dedans, d'une souris taxidermie ou peu importe comment t'appelles ça, une souris, t'sais, morte, hein? Bon. Et c'est complètement fonctionnel, c'est complètement poilu. Donc le projet, évidemment, contient de la taxidermie. Donc on nous avertit que les photos, des fois, pourraient peut-être en gêner plus qu'un. Hein, des photos, des fois, difficiles à regarder d'animaux morts. Ça ne montre pas les entrailles. Par contre, dans le didacticiel, donc vous êtes safe là-dessus si seulement les entrailles vous dérangent. Ben. C'est un concept par Noah W, fabriqué par Noah W et Canada. Donc les étapes sont vraiment là, étape par étape. Là. Étape 1, acheter une souris. Matériel et une souris, c'est bon. Deuxième étape, la dissection du matériel. Ensuite, on saute à la dissection de la vraie souris morte. Hein? L'assemblage, reconstitution, intégration, senseur optique et puis la souris complétée. Donc, c'est en 9 étapes. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com pour fabriquer votre propre souris. C'est pas tous les cafés qui ont de la place sur leur menu ou sur leur tableau pour montrer les ingrédients de chacun de leurs beaux petits cafés, t'sais, avec des noms vraiment fancy, là, genre la rivière du loup bleu brun de la haut de la rivière Bastille. En tout cas, t'sais, c'est compliqué des fois, les noms des cafés dans les bars ou les endroits qui vendent du café. Bref, la firme de design Plaid Creative illustre qu'est-ce qui va dans chacun de ces cafés préférés-là, donc les favoris de tout le monde, là, ceux, les classiques si on veut. Le café mocha, le café latte, le café mélange, hein, le cappuccino, etc. Donc voilà, vous allez voir la petite image, le truc sur assemblagerequis.com, ça vous dit vraiment, bon, par exemple, c'est comme un rond, ça ressemble à une tasse, c'est un genre de Pac-Man si on veut. Bon. Donc ici c'est par exemple, je sais pas, le 2/3 de tasse à café, un tiers de lait, l'autre c'est un café noir avec de la crème fouettée dessus, l'autre c'est une partie d'espresso, une partie de lait chaud, etc. etc. C'est super cute, c'est tout gris, tout brun, c'est vraiment minimaliste et super cute. Assemblagerequis.com pour le lien évidemment. Vous savez que Firefox 4 bêta est sorti, oui, la version avant-goût si on veut de la prochaine version de Firefox, le furteur alternatif à Internet Explorer, dois-je le dire à chaque fois. Firefox que j'utilise depuis toujours, que tout le monde utilise. Il y en a qui ont changé pour Google Chrome parce qu'ils n'aiment pas Firefox. Moi, personnellement, il y a des affaires qui me manquent trop dans Google Chrome que je peux pas l'utiliser. Tu sais, il y a des plugins maintenant, il y a des ajouts, des add-ons que tu peux avoir dans Google Chrome maintenant qui sont équivalents à ceux sur Firefox, mais Firefox en a des millions. Et tout ce que je veux faire dans Firefox n'est pas faisable pour l'instant, ou presque, dans Google Chrome. Donc, ça viendra peut-être un jour parce que je trouve la rapidité vraiment bien. Je trouve que comment les onglets sont... Par exemple, même juste comment les onglets se ferment. Avez-vous remarqué que quand tu fermes un onglet avec le petit bouton X sur l'onglet, ça fait que le prochain va aussi avoir son X. Là, donc, tu peux en fermer plusieurs de suite. C'est vraiment cool, alors que Firefox va comme réduire ou élargir les onglets. C'est un petit peu difficile à expliquer comme ça à radio. Mais bref, c'est vraiment bien. Essayez-le. Juste fermez les onglets un à la suite de l'autre dans Google Chrome et faites-le dans Firefox. Vous allez voir la différence tout de suite. Bref. Il n'y a aussi pas de vrai genre de download manager dans Google Chrome. Et tu peux pas non plus mettre un arrière-plan sur ton ordinateur directement à partir de Google Chrome. Faut que tu télécharges l'image et que tu ailles la mettre dans Firefox. Tu peux faire clic droit, faire mettre un arrière-plan. Ah, bon. Si on veut, ici dans Firefox 4 Beta, il y a un gros bouton orange et plein d'espace comme perdu en haut de la fenêtre sur Windows. Et il y a une façon de modifier ça, modifier le fichier userchrome.css. Allez voir l'article, il y a un script à copier-coller. Et puis ça vient comme faire un peu comme dans Safari, pendant un bout Safari faisait ça. C'est que les boutons minimiser et fermer la fenêtre étaient sur la même ligne que les onglets, donc tu sauvais de l'espace. Bref, il y a un script pour aller faire ça. Vous aussi dans Firefox 4. Il y a un nouveau blog Tumblr qu'on appelle. Tumblr, c'est comme un genre d'entre-deux entre un blog complet et un Twitter ou un Facebook. Donc, c'est comme des petites nouvelles postées avec des photos, des citations, des MP3, etc. Mais bref, mais pas trop bref comme Twitter. Bref, Landscape On, qui est à l'adresse suivante, landscapon.tumblr.com, T-U-M-B-L-R, c'est comme Tumblr, mais sans le E, hein, .com. Donc, c'est vraiment simple, c'est que vous marchez dans la rue avec votre barbecue caméra numérique, vous pointez, vous appuyez sur le bouton, et là, vous oubliez d'enlever le bouchon de la caméra. Moi, c'est l'idée derrière Landscape On, qui est un blog qui montre des photos de gens qui n'ont pas enlevé leur capuchon, donc c'est des carrés noirs. Mais, ce qui est intéressant, c'est les petites descriptions qu'il y a en dessous. Par exemple, tôt le matin sur la 5e avenue, c'est tellement inspirant. C'est une des photos avec un carré noir à côté. L'autre, les mariages d'été sont les pires. Ah oui. L'autre, c'est oh, j'ai vu une vedette. New York est bizarre des fois. Et ça continue, c'est toujours des carrés noirs, toujours le même. C'est bien, hein? C'est un Tumblr, c'est le fun. Tiens, allons-y avec un autre Tumblr que j'ai vu tout à l'heure. C'est One Photo Reviews qui critique des films avec une seule face de personne. Oui, que vous soyez un fan de Twilight ou de n'importe quel autre film, vous savez que vous faites une face pendant le film qui détermine ce que vous avez pensé du film. Donc, One Photo Reviews, qui est au onephotoreviews.tumblr.com, encore une fois, un autre Tumblr. C'est un gars qui s'appelle Scott Davis qui poste une seule photo de lui-même par film cet été, en tout cas au moins. C'est tellement devenu populaire qu'il accepte maintenant des soumissions. Donc, si vous avez vu, par exemple, le film Grown Ups, mettons, que vous n'avez pas aimé ça, ou Twilight, postez-lui votre photo et il va la mettre sur le blog. Voilà. Wellphotoreviews.tumblr.com. Crap at my parents' house, c'en est un autre blog. Oui, si vous avez des enfants, ça dit si vous avez des enfants sur l'article ici, peut-être que vous avez plein de choses dans votre sous-sol. Et si vous êtes un parent, ça veut dire que vous êtes des enfants. Si vous avez un parent, oui. Vous connaissez le grenier ou la cave ou n'importe quoi. Il y a toujours des affaires bizarres dedans, des banjos, je sais-tu, des genres de affaires, peut-être de taxidermie, un peu comme la souris tantôt. Hein? Donc, c'est vraiment l'idée du site. L'adresse est crap@myparentshouse.com. C'est un beau petit blog avec des photos, une après l'autre, des vieux livres, des vieux instruments de musique, des vieilles affaires que tu sais pas ce que c'est. Un vieux pot de Crisco, toi. Ben oui, du vieux Crisco. Un jeu de God Gun. Ça ressemble à un autre jeu, j'avais déjà vu ça. Ben oui, Colin. Je pense que c'est un jeu que j'ai déjà joué. Vieux brosse à dents. Bref, crap at myparentshouse.com, j'aime vraiment l'idée. Fashionistapoppies.com, qui est un autre site internet, cette fois-ci, sur fashionistapoppies.tumblr.com. Wow, il y en a beaucoup des blogs aujourd'hui, des Tumblr. C'est pour les animaux de luxe. Tu sais, qui ont des goûts luxueux, là, qui ont besoin d'être habillés de façon classe, avec des lunettes de soleil griffées ou je sais pas trop. Donc, on voit vraiment des chiens avec des costumes assez risibles. Il y en a même un qui est déguisé en mari, tu sais, un mariage. Fashionistapoppies.tumblr.com, j'adore ça. Très, très chic. Voulez-vous lire des tweets qui viennent de la bedaine d'une femme enceinte? C'est la question que demande le site Prilo.com. Oui, c'est le kickbee, qui est une ceinture qui se porte pour la femme enceinte, donc autour de l'estomac. Et à chaque fois que ton petit bébé à l'intérieur botte, donne un coup de pied, hein, un tweet ou un message texte va être envoyé à tous ceux qui suivent la personne sur Twitter. C'est pas malade, ça? Caline, que c'est beau. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin d'avoir? Non. Est-ce que ça devrait exister? Sûrement pas non plus. T'sais? C'est ça. Même chose pour le prochain, mais en même temps, je suis très, très intrigué par le prochain. C'est Mark Kirkland, 50 ans, de Salt Lake City, Utah, qui a passé plus d'une décennie dans sa vie sur un seul concept, un sandwich dans une canette. C'est vrai. Sandwich in a can, c'est ce que c'est. Il y a aussi pizza in a can, French toast in a can, et puis cinnamon rolls in a can. Donc, tu sais, à un moment donné, le gars, il n'arrêtera jamais. Oui. Les canettes ont un bénéfice ajouté, donc une valeur ajoutée, dit Kirkland. C'est que ça peut entrer dans n'importe quelle machine distributrice de liqueurs. Ah, ça, l'idée est très, très bonne là-dessus. On ne sait pas pour le goût, mais on sait que ça pourrait très facilement se retrouver dans des machines qui existent déjà sans avoir à faire des nouvelles machines. Donc, allez voir l'article et les photos et puis peut-être, je sais pas, essayer de vous en commander une caisse, je pense qu'on pourrait dire, je pense que ça s'applique ici, de Sandwiches in a Can ou Canwiches. Canwich, c'est le nom qu'il a trouvé. J'adore ça. OK, le temps avance, on va se dépêcher, je vais vous enfiler le reste rapidement. Duck Hunt Behind the Scenes, c'est un nouveau vidéo de College Humor sur comment Duck Hunt, vous connaissez le jeu vidéo où on tirait sur des canards là, avec un chien qui courait en arrière. Bref, c'est une histoire sur comment ça se passe, comment cette chasse-là fonctionne. Il y a de la drogue, les petits canards ou le chien, je sais pas trop quoi, prendre de la drogue. Allez voir ça, c'est super le fun sur collegehumor.com. Un autre truc, c'est un chien qui chante le thème de Batman. Je vous ai laissé le lien sur assemblagerequis.com. L'intro de Firefly, une émission de télé Firefly, je sais pas si vous avez regardé ça. Je sais qu'il y avait un film basé là-dessus, Serenity. Vraiment cool, science-fiction, par Joss Whedon, de Buffy contre les vampires, etc. Non? Donc Firefly, mais refait comme si c'était un téléroman science-fiction des années 80. Vraiment cool, la musique est vraiment très très bonne. 35 films en 2 minutes. C'est une vidéo qui montre 35 films en 2 minutes. C'est par un étudiant en design allemand, Felix Meyer, et son ami Pascal Monaco. Donc si vous emmerdez au travail, allez regarder ça. C'est sur assemblagerequis.com. Gridit qui garde votre sac bien organisé. C'est un petit panneau de plastique avec des... ça ressemble un petit peu à du treillis, si on veut. Donc, tu sais, quand ça passe un par-dessus l'autre, là, les genres de rubans, de tissus passent les uns par-dessus les autres. Donc, ça vous permet de mettre des fils ou des, je sais pas, une boîte de tic-tac ou n'importe quoi, tu sais, dans ces trucs-là, ces genres de fentes-là. Mais c'est plus que des fentes parce que ça peut faire rentrer pas mal n'importe quoi au lieu d'avoir juste des petits compartiments comme dans un sac à dos. Donc, vous prenez ça, c'est comme un genre de morceau de plastique. Vous mettez ça dans votre sac et puis vous pouvez mettre toutes vos affaires dedans sans avoir à chercher. C'est vraiment cool. Il y en a même qui viennent avec des études de néoprène. Donc, c'est 15 par 11, ces planches-là. Parfait pour des câbles, des systèmes de jeux vidéo portatifs, des téléphones, n'importe quoi. Ça coûte entre 15 et 30 $ en ligne. Allez voir l'article assemblagerequis.com. Il y a un jeu de Tetris qui s'appelle Not Tetris, qui est vraiment cool. C'est sur le Facepunch Forums que ça a été posté et créé par un utilisateur qui s'appelle Maurice. Pour l'instant, c'est seulement sur PC. Et qu'est-ce que c'est? C'est comme un Tetris, mais le contraire, presque. Un petit peu difficile à décrire, mais ça se joue pas mal comme le jeu original et ça a l'air du jeu original, excepté que la physique du vrai monde et la gravité entrent en jeu. Et il faut pas, le but est pas de faire des Tetris ou de faire des lignes et puis les éliminer. Non, à la place, c'est d'empiler le plus de morceaux vers le haut sans toucher le sommet de l'écran. C'est le nombre de pièces qui compte. En tout cas, ça a l'air bizarre. Not Tetris sur assemblagerequis.com. Il y a aussi, si vous êtes un fan de jeux vidéo classiques, particulièrement de Nintendo, vous allez adorer ou peut-être détester cette idée-là. C'est des cartouches de jeux vidéo qui ont été défaites, l'intérieur a été enlevé, pour être transformé en disque dur externe et en disque dur flash USB, tu sais, les petites clés USB. Donc, il y a des cartouches de Game Boy Advance, de Nintendo, de Super Nintendo, plein d'autres. 40 $ pour une cartouche Game Boy Advance de 4 gigs, jusqu'à 180 $ pour 1 Teraoctet dans une cartouche de NES. Vraiment très très cool. Ils prennent aussi des commandes custom, donc vous pouvez demander une cassette qui n'a pas été encore convertie en suivant le lien sur assemblagerequis.com. Et puis on va terminer avec ces deux derniers trucs là. Tiens, pourquoi pas ici. Tiens, deux trucs qui ont rapport avec Mario, qui est pas mal mon sujet préféré tous les temps. Si vous aimez Yadzi, vous allez adorer la version Super Mario de Yadzi. Et là, c'est vraiment brandé Yadzi et Super Mario. C'est donc un accord entre la compagnie qui fait Yadzi et puis Nintendo. Donc, des dés décorés avec des fleurs et des étoiles, des carapaces de tortue et des œufs de Yoshi, etc. Et un gros verre en forme de point d'interrogation, comme dans Mario. C'est ça qui va servir à brasser les dés. Vraiment une très, très bonne idée. J'adore ça, j'en veux un. Et puis, Super Mario Kart The Board Game. Donc, oui, un jeu de société. J'aime bien les jeux de société. J'aime plus les jeux de console, par contre. Donc, ici, on va assembler les deux. C'est cool. Dans le fond, je vous explique le rapport avec Mario, c'est le look. C'est pas mal tout, parce que sinon, ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est la version Mario Bros, parce qu'il y a une version Mario Bros et une version Mario Kart. Donc, Mario Bros, c'est un jeu à un joueur où il faut naviguer une petite bille de métal à travers un labyrinthe aussi rapidement que possible. La version Mario Kart ajoute un deuxième joueur et demande la même chose, excepté qu'il faut se rendre avant son ennemi. Donc, voilà. Des sons authentiques des jeux de Mario sont inclus dans ces jeux de table-là, ces jeux de société. Vous pouvez aller voir, ça a été annoncé au Tokyo Game Show. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bien ça? En tout cas, bref, allez vous renseigner, c'est pas encore sorti, je crois, donc j'ai hâte. Voilà pour mon PAO cette semaine. Il y avait beaucoup d'affaires là-dedans, comme toujours. Et cette semaine, j'ai envie de prendre le temps, parce que je ne le fais pas à chaque semaine. Tu sais, plusieurs semaines que je ne l'ai pas fait, là. C'est d'entendre un remix chiptune d'une pièce de jeu vidéo. Donc, et là, on va rester dans mon domaine. Hein. Mon domaine, c'est Mario et Donkey Kong. Et pas mal, une grosse partie des jeux vidéo du monde sont des Donkey Kong ou des Mario. Donc, ça fit. Celui-là, c'est de Diddy Kong Racing. Voici Shiva Nataraja, une pièce hindoue, un peu, si je comprends bien. Donc, voici Shiva Nataraja de Guy Frog. Dans le bloc CNX d'assemblage requis sur ses fous. Frog avec la pièce Shiva Nataraja basée sur une pièce du jeu de Diddy Kong Racing sur Nintendo 64, la pièce Taj's Challenge. Voilà pour l'émission Assemblage Requis de cette semaine. On se retrouve, on se retrouve dans deux semaines, oui. Mais avant ça, la semaine prochaine, il va y avoir un spécial guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis volume 2 sur ton plat favori. Donc, toutes les chroniques ou les meilleures chroniques de Stéphanie Gagné, ton plat favori. Ça va être jeudi prochain, 15h, en rappel, samedi à 16h. Restez à l'écoute le jeudi pour La Spirale avec Mathieu Leblanc-Houle. Et samedi, il y a le Vestibule qui commence à 21h. Il n'y a pas eu évidemment de questions cette semaine, donc on va se quitter avec, avec une pièce qu'on a entendue pour la première fois la semaine dernière, Ouvre grand, grand maman. Ça a suscité moult controverses. Écoutez bien, c'est super bon. Ouvre grand, grand maman de Vidéo à la question et on se retrouve jeudi prochain, entre guillemets, entre 15h et 18h. Passez une excellente fin de semaine. Bye bye. Mes culottes sont encore baissées. On fait le marteau piqueur. C'est son vieux tapis en fleurs. Moi, je fais le cavalier. En touchant son macramé. On se fait des mamours. En regardant les feux de l'amour. Cochonne dans la salle ce soir! À Suzanne Lapointe! Son corps qui se met! Regarde la faune, j'imagine c'est pas fun! Oui, ça fait mes nounes, j'ai mis tout fait ma pisoune! Plus rien de mes larmes, je lui ai excité mon bar! Et la vie de mon pénis, c'est clown, mais t'es plus triste! J'pense à Clément! Je l'imagine tout entier. Si la voiture n'était pas morte, je n'irais pas demain, morte non. Tombe sur le bout de la lame qui l'empêche de turcuter. Où est-ce que tu as ma poche que je l'ai pogné. Oui, c'est beau, même si je te trouve so-so. Pour que tu sois à ton aise, on peut faire ça sur ta chaise. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Josh. Sex appeal de Lise Thibault. Oui, Lise nous a creusé une coupe de pièces. Mais moi, son body, je trouve vraiment badass. Max, bonne raison. Pour pas y venir, non. C'était horny en 1960, aujourd'hui. Oh, watch out!